48e chapitre. Le sacrifice. Un sang d'oursin dégusté au bord de la mer ne compte guère que comme apéritif. Il s'agissait maintenant de pêcher. Dans les anfractuosités du rivage, le paye sans paye et la rascasse et autres savoureux poissons de roche, indispensables éléments de la bouillabaisse projetée que nous mangerons au dîner, c'est-à-dire vers midi. Car ici, on dîne à midi, chaque peuple ayant ses usages. Patron Ruff me confie une ligne, une poignée de Morédus, et me voilà, essayant de faire des expériences d'équilibre au grand soleil sur les avancements escarpés, les arêtes coupantes et blanches de la rive. Mais j'avais trop présumé de mes forces. La danse des rayons dans l'eau, mon attention à regarder, m'ont brouillé les yeux et troublé la tête. L'odeur mêlée des pins résineux et de l'algue, cet air marin que je respire avec délice, achèvent encore de me griser. J'éprouve un besoin de dormir, un irrésistible désir d'immobilité et de bien-être. Et ma ligne cédée au colonel, c'est en chancelant comme un homme ivre que je vais m'étendre au fond de la barque, amarrée en un creux de falaise. La barque se balance au clapotis du flot et gémit. Sur ma tête, cachant le soleil, surplombe une voûte humide incrustée de sel où des cailloux luisent, où vivent des patelles, où, sur l'immobile ligne d'étiage, des mousses aux senteurs amères et des plantes marines ont poussé. J'ai fermé les yeux, j'ai rêvé. N'est-ce point ici, dans ce golfe, au plus profond de l'abîme bleu, que disparut, il y a des siècles, avec ses portiques, ses tours de marbre, la côte féerique, antique souvenir des Atlantes, dont patron Ruff, un jour, me décrivait les merveilles? Mais la mer doucement s'écoule sous la barque, et la barque, descendant en même temps qu'elle, me déposa sur un fond de sable d'or semé de perles. Et voici Norette, coiffée de corail, en costume de fée océane, qui me prend par la main, me conduit dans l'immense ville, me montre son palais, ses trésors. Toujours des rêves, toujours des trésors, et toujours Norette. Un choc interrompt mon léger sommeil. La barque a heurté le rocher et quelqu'un saute dans la barque. Je me dresse, je reconnais Norette qui me fuyait depuis 8 jours et qui me cherche maintenant. Gantôme l'accompagne et détache la mare. « Viens, Gantôme, tu rameras. » Puis, s'adressant à moi, « Nous serons mieux au large pour causer. J'ai des choses graves à vous dire. » Je me sens rougir et n'aurais pu dire pourquoi, en écoutant sa voix émue, en subissant le long regard de ses beaux yeux voilés, moins de courroux que de tristesse. Elle ajouta, « C'est à propos de la chèvre d'or. » À ces seuls mots, dans une soudaine vision, je devinais enfin les trop justes motifs de son attitude envers moi. Une honte mêlée de remords m'envahit. Je voulais parler et ne trouvais point de parole. Ne niez rien, n'expliquez rien. Il est des choses irréparables, plutôt ciel que vous fussiez mort du coup de fusil de Galfard. J'en serais peut-être morte aussi. Et si la terre noire n'eût pas voulu de moi, je restais du moins votre veuve avec l'éternel deuil au cœur d'un amour auquel j'aurais cru. Mais votre fièvre a rêvé tout haut, trop haut pour mon bonheur, puisqu'hélas, je l'ai entendu. De l'or, des diamants, la chèvre, la clochette. Et toute une longue nuit qui me semblait ne devoir plus finir à votre chevet, sur vos lèvres où j'ai pillé heureuse un souffle de vie, j'ai cueilli, syllabe par syllabe, cette douloureuse et humiliante certitude qu'aimait de moi Le sachant, vous ne m'aimiez pas. » Elle était belle ainsi, et digne de tous les désirs, cette fière enfant, en qui un dépit passionné éveillait la femme. J'essayai de baiser ses mains, je les mouillai de larmes qui n'étaient point feintes. Elle me repoussait, secouant la tête doucement, avec une obstination désolée. « À quoi bon, puisque je sais, puisque tout est fini, puisque, même disant la vérité, je refuserai de vous croire. » L'absolu du décret me révolta, et ce sentiment de révolte éveilla en moi quelque courage. « Écoutez-moi, Norette, je serai franc. Ce que je vais avouer, je vous l'avouerai à genoux, si ma blessure le permettait, et si tant de coqs d'oursins ne jonchaient la cale. Oui, une série de hasards étrangers, parmi lesquels, en premier lieu, ma trouvaille de la clochette m'ont fait deviner, oh, sans préméditation de ma part, et votre origine orientale, et le secret par vous possédé du trésor des rois de Majorque. Le trésor, j'y croyais à peine, quand je vous connus. Peu à peu, je m'habituai, sans réfléchir, à vous confondre tous les deux, le trésor et vous, dans les mêmes vagues projets de conquête. Pourquoi ne vous l'avoir point dit? Mon silence fut mon seul crime, crime involontaire que j'expie, puisqu'il me coûte votre amour. Mais s'il est vrai que vos paroles d'aujourd'hui présagent une séparation éternelle, je jure ici devant Dieu, je jure en présence de Gantôme, que nul calcul ne guidait mes pas, quand je suivais le torrent pierreux qui me conduisit au puget mort, et que la première fois que je vous vis, prêt à vous aimer déjà, Norette, j'ignorais certes l'existence et le nom même de la chèvre d'or. Il y avait dans mon plaidoyer un peu de vérité et beaucoup de mensonges, mais les faits étaient si lointains et mes sentiments avaient tellement changé depuis que mensonge et vérité pouvaient, en conscience, se confondre. Norette songeait. S'il croyait pourtant dire vrai, moi, si pourtant elle feignait de me croire. Deux amants sont bien près de s'entendre quand leurs désirs ont de ces muettes complicités. Mais Norette ne céda point. Gantôme, fort troublé de tous ces discours, avait, en quelques coups de rame, doublé la pointe d'un petit cap dont la masse blanche près du flot, coiffée de myrte à sa cime, nous mettait à l'abri des regards. « Vous ne vous êtes pas trompé. Le trésor existe, » continuait Norette. « Depuis la défaite et l'embarquement, le secret en resta dans notre famille. Longtemps conservé par tradition, c'est au XIVe siècle seulement qu'un de nos arrière-grands-pères, maître Michel Gazan, astrologue et médecin de la reine Jeanne, fondit et grava, de peur qu'à la fin ce secret ne se perdît, le fameux talisman figurant une clochette à la mode sarrasine. Prenez-le, prenez-le voici, rouge de votre sang, comme quand vous l'avez arraché à Galfar. Prenez donc, pourquoi hésiter? N'aurez-vous pas ainsi tout ce que vous désiriez de Norette? Je pris la clochette. Norette pâlit, mais un éclair de joie illumina l'œil mélancolique de Gantôme. Accepter le trésor, c'était renoncer à Norette, et moi, faisant cela, Gantôme pouvait espérer. Je m'étais dressée, la clochette d'argent reluisante tremblait un peu entre mon index et mon pouce, et le soleil, les reflets de l'eau, allumaient des turquoises et des diamants aux entailles de l'inscription en arabesque qui courait autour de ses bords. À ce moment, j'aurais pu la lire, mais une larme venue je ne sais d'où troublait ma vue, et c'est ce qui m'en empêcha. « Alors, demandai-je à Norette, ceci nous sépare éternellement ? Éternellement, répondit-elle. Rien ici-bas ne vaut l'amour. Pourquoi attrister notre vie de ce qui empêche d'aimer? La mer sous la barque est profonde, et je n'ai qu'à desserrer les doigts pour que le secret de la chèvre d'or s'y ensevelisse pour toujours. Vous êtes le maître, soupira Norette. Je tins la clochette encore un instant suspendue, puis me penchant, je desserrai les doigts. Lentement, doucement, comme à regret, la clochette descendit, se balançant, et Blanche Étoile, qui se meurt, finit par disparaître sous les profondeurs de l'eau transparente. Les trésors du roi de Majorque rejoignaient ceux de Patron Ruff. Du haut du cap, parmi les myrtes, M. Honorat nous criait « Allons, les enfants, la brise creuse et tardive a déjà servi la bouillabaisse !» Gantôme, le plus misérable, ayant perdu amour et trésor, mêlait l'inverse de ses pleurs aux gouttes rejaillies dont s'emperlaient les rames. Mais Norette était dans mes bras, et tout au divin égoïsme de l'amour, nous ne voyons pas les pleurs de Gantôme.